c'est dur, les amis d'accent. Garde les cœurs, la tête froide, nerfs solides. Le fer froid, souvent mon bloc joue du scalpel. Dans ce monde, on est seul contre tous, et tu le sais, y'a plus de pouces. Pour te faire mousser, la vie ne te laisse qu'à laisser. Mais on est paré, mon bloc carré. Pas de coups fourrés, les langues venimeuses et bouches sucrées, tout ça on connaît. Ensemble on avance, écoute le compact, garde contact. C'est la musique, pas du hip-hop pour jouer les pédérastes. Un ego égal à lui-même, malgré les clips et radio promo. Mannequinat, t-shirt, clinique en logo. Un strip poker, si ça foire, on est nos jokers. Nos seules armes en cas de peine, personne te pousse à s'y viens, ouais. Petit c'est bon, ça on fait ça comme ça. Faut que ça balance, du début à la fin de danse. Réfléchis au choix, c'est de la sueur, des larmes que l'on du vécu. Coupon de sécurité en mec de cité, j'ai le droit de citer, ouais. Dénoncer les pervers, les mecs pas clairs. Nos vies auraient leur place en épisode de Dallas légendaire. Nourris la presse à scandale, pas de polémique, mais si tu viens nous baiser. Dans ta face, tu ouais. Ma chandale. Instinct sale gosse, on prend les devants. Façon Mos Def, pose tes fesses sur le sofa. On est def et prêt à foutre la radia. Paparazzi, sors l'objectif, j'ai pris de la maturité. Mais ça n'empêche pas de kiffer ma Kingston. Kiff sale gosse, c'est une mentalité, pas une attitude. Banalité quand tu me vois prendre de l'altitude. 23 piges, faut se poser un minimum. C'est pas pour autant que j'arrêterai de faire chier les MC Bubblegum. Le bug de l'an 2000, c'est moi, le virus vodka. Le doigt de Bavaria qui fait du rafu dans ton estomac. Tu croyais quoi? Qu'être un sale ce go, c'est faire le clown pour le grand plaisir des télé et des radios. Laisse-moi tranquille, frangine, c'est rien que du naturel sur Radio 109. Un gros poutou à toutes les mamzelles. Alors la clinique, charmeur ou mauvais garçon? Ouais. Allez, allez, dites-nous tout. Chez nous y'a pas de Superman plaque, rien que des ex-lutteurs. Acrobate, OMIC fraîchement frappe de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire si les cœurs saignent? Revenir au galop, estropier les ondes, ça c'est la rue qui l'enseigne. Ma seule héroïne, ma zig frangine. Ici tu péris aussi vite qu'un héroïnomane. C'est pas un film man, et on se pose unis pour la même cause. Une sale vie, on se plaint, mais plein de shit dans les poumons. On explose. La vie en rose, on laisse ça à ceux qui piaffent. Nous on taf, on dit comité sur la tête de mon staff. Pas de super héros, double zéro mat. Mon bloco trop zélé, cette map ma moite qui font les mames zélées. On prend du bon temps, bon sang, faut sortir de la merde. Autant d'idées en tête que Dogs ou Sky sans son herbe énervé. Maintenant tu sais de quoi on est capable. Enfoiré, et te sens pas coupable. On a signé un pacte avec la qualité. Moi c'est un pour la Valstar, 2 pour mes All-Star, 3 pour ma Dream Team. Du quartier à mes soulards, mon saloon, un squat chez une copine. Ou poser dans un square à nickel bénéf et à fourrer ma bibine. Frangine, tu sais je m'éclate, la vie est belle comme une chaîne de soirée. À qui on demande son fun tel, c'est facile comme être figurant d'une sitcom. Ensemble on rêve de faire du cinéma, ensemble on s'adonne à rêver. L'album faut qu'il pète jusqu'au dom-tom. On sodomisera la victoire pétée au flash de Rome. Y'a pas de flash Gordon dans le rap. Rien que des requins, un ricain à trois balles, peine requise, ball trap. Effectivement, on en sait un peu plus sur vous, mais une question que beaucoup d'auditeurs se posent. Avec la sortie de votre album, les concerts, la promo, vous n'avez pas peur de prendre la grosse tête? Hey, tu sais le succès, c'est éphémère comme le goût de l'alcool. Tiens, on s'envole, on pète le rap sans camisole. Mes idoles, tous dans la chenouf, à chacun son rôle. On nage le crawl dans les marécages de la presse people. On le sait, strass et paillettes, c'est de la connerie. On stresse, enfermé dans 16 mètres carrés, foncé au whisky laisse. Le succès, c'est une tonne de groupies agrippées à nos bourses comme un joke de hache dans la bouche d'un hippie. Certains misent sur la somme, on vise le summum. Un seul homme décidera Dieu tout puissant, alors salam. Complicité entre partenaires, requise via le bloc. On vit en harmonie avec nos vies antérieures. On se dit que le succès récompense, pas immunité. La roue tourne, alors la grosse tête, c'est faire preuve de débilité. Idée bête pour compter sur l'éphémère craché sur des frères, dès lors tu perds ta lucidité. Crédible aux yeux des miens, c'est que de la musique, du rap clinique, fidèle à nous-mêmes en amour. Je dirais authentique, authentique. Vous êtes toujours sur Radio 109 en direct avec la clinique. Eh bien messieurs, merci d'être passés nous voir. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. Ouais. Ok, j'en place une pour le 18ème. Les mecs de Clickly 9-3, les mecs d'en bas. Ouais. Mon pote Joe. Ouais. Bédo, Chico de Garche, Max Bo aussi. Tu sais qu'on est là. Ouais, merci à toi de nous avoir accueilli. C'est super. Ouais. Ciao. Eh bien, écoutez, on va se quitter avec le dernier titre de la clinique. Et puis, sur ce, je vous dis bonsoir et à demain.